shit hurts. Les CRS. Nous sommes à votre service. Nous sommes à votre service. Nous sommes un service public au service du public. Et le citoyen momentanément égaré est invité par ce service public à retrouver le droit chemin. Un tour à tir de grenade au-delà de la barricade. Préparez-vous. Un tour à tir de grenade au-delà de la barricade. Préparez-vous. Les grenades lacrymogènes pleuvent d'emblée. Et la troupe, très rapidement, s'est mise en place. Une réponse proportionnée au mouvement de foule, au maintien de l'ordre qui se situe au point de convergence entre la liberté d'expression du citoyen dans la rue et le devoir qu'a l'État de garantir la sécurité et la tranquillité publique.